Ne manquez pas le nouveau festival hivernal de sport d'action Barb-Gazi, présenté par Lozo le 15 et 16 février au Parc Olympique. Au programme, compétition de bûcherons avec Steel Timber Sports, démonstration de freestyle motoneige, compétition de snowboard et de freeski, initiation de snowskate et un live set de la formation française Datricaz. Barb-Gazi, présenté par Lozo le 15 et 16 février sur l'esplanade financière Sun Life au Parc Olympique. Les activités sont gratuites et ouvertes à tous. Écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous pour la prochaine heure, pour une heure de rock indépendant et un peu tout ce qui gravite autour. Ce soir, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée plus tôt cette semaine avec le groupe Elephant Stone, groupe local qui lançait son deuxième album mardi dernier. Ce sera dans une dizaine de minutes parce qu'avant ça, on a un premier segment de trois nouveautés. On va débuter avec tout d'abord Thug Bites, qui est le projet d'un gars d'Atlanta qui a seulement 23 ans. Il s'appelle Phil Jones et il sortait son premier album Velvet Changes mardi dernier également. Et c'est une espèce de mélange de pop-rock assez vaporeux et assez intéressant, donc ce projet Thug Bites. Et ça sera suivi tout de suite après de Os Drongos, une bébite de Lyon en France et qui vient de lancer un album sur Bleeding Gold Records. Donc, mais tout d'abord, Thug Bites avec Forever Until à l'émission Le Terminus. I'm not afraid to die. Vancouver, c'était la formation Cascadia qui nous chantait Josie, un titre à paraître sur leur EP Level Trust qui va sortir au mois de mars prochain. C'est environ dans un mois, ça. Et c'était précédé de Os Drongos avec See My Shanty. Et c'est un groupe Os Drongos qui vient de Lyon, en France. Je vous rappelle que toutes les chansons qui ont joué pendant l'émission, en fait la liste, et également balado-diffusion de l'émission, sont toujours disponibles quelques minutes après la fin en vous rendant sur le CISM893.ca. Maintenant, tel que promis, je vous présente l'entrevue que j'ai réalisée il y a quelques jours, en fait mercredi dernier, avec le groupe local Elephant Stone. Ils sont passés donc en studio et ils avaient également amené des instruments, donc il y aura une petite portion prestation acoustique. On m'avait averti que le chanteur parlait pas très bien français, mais finalement, Richard Dyr, on a réussi à faire une entrevue quasiment 100% en français. Donc, c'est pour ça que quelquefois, je insérais des mots en anglais pour qu'ils comprennent, mais c'était vraiment pas un problème au final. Et deux gars vraiment très sympathiques, vous allez le voir en écoutant ça. Pour s'y rendre donc à cette entrevue, on va écouter Unnatural Helpers et leur chanson Mexican Borders, une très très courte chanson. Et on se reparle ensuite dans une 10-15 de minutes. À tout de suite. De retour à l'émission Le Terminus, je suis maintenant en compagnie du groupe Elephant Stone. Je suis en compagnie de Richie Dyr. Bonjour. Salut. Et de Gabriel Lambert. Allô. Bonjour. Les gars, vous sortiez hier, hein, ce mardi dernier, le 5 février, votre deuxième album qui s'appelle Elephant Stone, qui est disponible sur CD, en ligne, vinyle et cassette. Ouais. Et cassette. Cassette, cool. Moi, j'ai hâte de le voir en cassette. Vous ne l'avez pas vu encore? Est-ce que non. Vous êtes des collectionneurs de cassettes? Non. Non? Dans les années 90. Ouais, j'ai okay. Une grosse collection de cassettes, mais peut-être falloir que je m'achète un autre tape deck. Pour écouter votre album dans la voiture ou à la maison. Une vieille voiture. Ouais. Mm-hmm. Et Elephant Stone, donc c'est le nom de l'album aussi. C'est votre deuxième album qui fait suite à un premier qui est sorti en 2009. C'est ça. Qui s'appelait Seven Seas, je ne me trompe pas. Puis qui avait reçu une nomination au Polaris. Ouais, le long list, ouais. Ouais, cool. C'était cool. Et là, ça fait seulement une journée que l'album est sorti. Qu'est-ce que vous entendez là autour de l'album? Qu'est-ce qui se dit? On entend des bonnes choses. Ouais, c'est cool. Il y a des bonnes. Ouais, ouais. Il y a des belles revues, des bons commentaires. Mm-hmm. En tout cas, jusqu'à maintenant, oui. Et est-ce que vous suivez ça beaucoup sur Internet ou? C'est facile de le faire. Ouais. Ouais. Peut-être quelques fois par jour. Ben, ça fait du bien de sortir l'album. Ça fait longtemps qu'on attend ce jour-là. Puis c'est sûr que c'est excitant. Est-ce que pour vous, c'est stressant à partir du moment où là, c'est comme hors de votre contrôle, out of control? C'est tout le contraire, je dirais. OK. Moi, ça m'a relaxé. Moi, ça rend les choses plus réelles. Ah oui? Parce qu'avant ça, ben, c'est notre album, on l'avait, mais il était pas. Les gens ne peuvent pas l'entendre. Donc, c'était un peu conceptuel. Tandis que maintenant, c'est. Mm-hmm. Non, ça fait du bien. Selon moi, c'est plus stressé. Parce que chaque jour, je lire les revues. Ouais. Et ouais, oui. Qu'est-ce que tu dis? Toi, t'es stressé. Moi, ça me stresse moins. En fait. Okay. C'est le yin et yang ici. Oui, oui, c'est ça. C'est bien. OK. Puis, comment ça s'est passé, justement, l'enregistrement de cet album-là, la création de l'album? C'était vraiment, vraiment le fun. Puis, en fait, de sortir l'album, ça m'a donné le goût de le réécouter, puis ça m'a fait rappeler l'enregistrement, tout le processus d'écriture puis d'enregistrement qui était vraiment, vraiment spécial. J'ai vraiment adoré le faire. Ouais. Et Richie, quand le premier album était fait, tu venais de quitter Idols, je me trompe pas? Ou oui, j'ai quitté Idols en 2006. Et on a enregistré le premier disque en 2008. OK, OK. Et deux ans après, oui. OK, puis par rapport à ce nouvel album-là, est-ce qu'il y a une dynamique différente? Oui, parce que les personnes qui jouent dans le groupe est plus solide, comme Gab. On a joué depuis 2010. OK. La musique s'est changée, différentes influences, des choses comme ça. OK, est-ce que les autres musiciens maintenant, les musiciens qui sont là actuellement, ils sont été plus impliqués dans la création de l'album? Pas beaucoup, non. Non. Richie, donc on va le dire, t'es chanteur dans le groupe, aussi le songwriter, c'est toi qui écris les chansons en grosse majorité, c'est ça? Et si on parle peut-être du son de Elephant Stone, on sait qu'il y a du rock, il y a une sensibilité pop aussi. Hein, psychédélique aussi. Puis on fait souvent, quand on parle Elephant Stone, ce qui est particulier, c'est aussi l'apport de la musique d'inspiration indienne aussi. Oui, c'est ça. OK, OK. Et comment tu pourrais décrire justement cette influence-là? Qu'est-ce qui t'apporte de cette musique-là dans le groupe? Parce que je joue le sitar et... OK. When I was young, I grew up with music Bollywood, et choses comme ça. OK, OK. Classical. So it's... I don't know, I guess it's just influenced throughout my whole life. OK. Est-ce qu'il y a des instruments particuliers de cette musique-là que tu amènes dans le groupe? Oui, c'est le sitar. Le sitar, oui, OK. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est assez particulier à Elephant Stone. Est-ce qu'il y a d'autres instruments à part ça? Il y a plein de choses parce que sur le disque, puis live, on utilise un drone box qui crée comme le son d'un tempura. Puis sinon, sur le disque, il y a aussi des tablas, il y a aussi du Delruba. Ouais, des vocales classiques. Vocales classiques indiens. OK. Puis le son qu'on entend, là, je ferme un peu mon amateur, mais les gouttes d'eau, par exemple, le water drop. Ça, c'est les tablas. Les tablas, OK, d'accord. Ouais. OK, bon, C'est cool, hein, water drops. j'ai jamais pensé. Ça fait penser un petit peu à ça. Mais OK, donc ça s'appelle, c'est le tabla, c'est ça? Ouais. OK, bon, maintenant, on peut mettre un nom sur l'instrument. Et l'objectif, est-ce que vous avez des objectifs particuliers quand vous avez travaillé sur le deuxième album, une approche, tu disais des influences différentes? Il y a différentes choses, je pense, qu'on a essayé de faire pour le deuxième album. C'était premièrement de créer quelque chose qui était plus direct, qui était plus focus, plus concis. En même temps, on voulait créer une expérience qui était, je dirais, comme plus focus dans le sens qu'on a pris moins de temps pour le faire, puis on l'a fait aussi live quand on a enregistré, on n'a pas fait ça vraiment en différentes parties, mais vraiment en enregistrant tout le monde ensemble. Puis la pré-production s'est faite pour vraiment avoir des arrangements de chansons qui étaient solides. Puis, donc, les chansons étaient déjà avaient déjà une vie en soi. Donc, quand ils ont été enregistrés, on n'a pas changé beaucoup de choses après l'enregistrement. Il y a eu quelques ajouts, mais la composition et l'arrangement étaient déjà très, très, très solides. OK. Est-ce que vous avez travaillé avec quelqu'un en particulier en studio pour vous accompagner? Oui, c'est Jay Slasic. Oh, cool. Oui, de Bessner Lakes. Oui, très connu ici à Montréal. Ouais, en demande aussi? Oui, oui. Il paraît qu'il y a une liste d'attente pour travailler avec lui? Non. Je sais pas. Ça dépend si on est... On est des amis. OK, c'est ça. OK. Facile. Et son studio aussi à... Oui, Break Glass. Break Glass, c'est ça. OK, cool. Et est-ce que c'est difficile de transposer ces chansons-là, justement, vu qu'ils ont été au plus facile, parce qu'ils ont été créés ou enregistrés de façon plus live sur scène après ça? Est-ce que c'est... C'est vraiment plus facile, en fait. Mais aussi, ce qui est arrivé, c'est qu'on était 5 personnes avant, puis le nouvel album est enregistré à 4 personnes, puis live, on est 4 personnes aussi. Donc, on a essayé d'arranger pour avoir, pour être capable de tout faire à 4 plutôt qu'à 5. Puis, on est quand même encore en train, des fois, de changer des choses ou de trouver des moyens pour élargir le son d'une chanson. Donc, ça peut toujours aussi être refait ou re-challengé. Alors, cet album-là, Elephant Stone, est sorti hier, mardi le 5 février. Et là, vous embarquez dans une tournée qui commence ce vendredi à Sherbrooke, si je ne me trompe pas. Ouais. C'est ça. Et grande tournée qui dure jusqu'au mois d'avril. En fait, mois de mai. Mois de mai, c'est une longue tournée, OK. Ouais. Et entre autres, je voyais que vous allez jouer avec Black Angels. Ouais. C'est une partie de la tournée. Ouais, en Afrique, oui. Tu participes dans Black Angels, hein, si je ne me trompe pas? Ou... Oui, je joue basse, c'est tard avec Black Angels aussi. OK. Ouais. Ça fait un double quart de travail. Oui, beaucoup de travail pour moi. OK, cool. Et est-ce qu'on va voir Black Angels à Montréal? Oui, le 12 avril au National. OK, ouais. Cool. Donc, on va vous revoir. Donc, vous jouez le 15, puis on vous revient. Ouais. On vous revoit après ça. Alors, ce soir, vous avez emmené avec vous des instruments pour vous avez accepté de jouer une chanson. Oui. Ce sera quelle chanson? C'est The Sacred Sound. C'est la dernière chanson du disque. OK. Vous me dites tout à l'heure que c'est une chanson que vous jouez pas souvent. Non, pas live. Non, en fait, non. Non, OK. C'est juste une chanson en studio. OK. Donc, difficile à rendre sur scène? Oui, parce que sur le disque, il y a des violines, des choses comme ça. Alors... Oui, c'est des cordes. Vraiment, ouais, c'est cordes, un arrangement ouais. de cordes. OK. Puis là, c'est quoi le setup là, que vous me proposez pour cette chanson-là? J'en ai un harmonium. C'est okay. un instrument indien. C'est comme un accordion. Oui. Ouais. Mm-hmm. Okay. OK, cool. Et une guitare. Puis une guitare. OK, ouais. Donc on va... pendant que vous vous installez, on va écouter une autre chanson de votre nouvel album qui s'appelle A Silent Moment. Cool. Et cette chanson-là est assez particulière aussi. Richie, tu peux peut-être nous en parler. Il y a un invité hein, sur cette chanson-là. Oui, c'est Pandit Vinay Biddy. OK. Il vient d'Ottawa. Okay. Chanteur classique hindoustani. Sur la chanson, oui. OK, cool. Donc, on écoute ça tout de suite. A Silent Moment. Aussi. Oui, vas-y. Et Sean Malveski sur tabla. Oh, OK. Donc, deux invités. Un Montréalais, oui. Oui, un Montréalais. Ouais. Super. Donc, on écoute cette chanson-là, Silent Moment de Elephant Stone. Et on se retrouve tout de suite après pour une performance live du groupe dans les studios de CISM. À tout de suite. directement des studios de CISM. Ils nous interprètent une chanson extraite de leur tout dernier album qui vient de paraître. Il s'appelle Elephant Stone. Voici Elephant Stone et The Sacred Sound. Can I be the one that I see still pure and high and love for everyone? I can see everything that I see. C'était A Sacred Sound de Elephant Stone. Merci les gars d'être passés en studio à l'émission. Merci. Ça fait plaisir. Et on rappelle que vous avez un nouvel album, Elephant Stone, qui est sorti hier et que vous commencez une tournée. Il y a des dates au Québec pour... Oui, au Sherbrooke, Ville de Québec et Montréal. Okay. OK, cool. Et le spectacle à Montréal, lui, ce sera au Divan Orange. Oui, le 15 février. Ouais. Et à quoi on peut s'attendre pour ce spectacle-là? Pardon? À quoi on peut s'attendre? Des surprises? Invités? Non. Non? Peut-être les projections. OK, la nourriture? Des choses psychédéliques, mais... OK, donc il va falloir être là pour le voir. Alors, merci Gabriel Lambert et Richie Dire. Merci. Merci à toi. Bye. We'll be right back. Moon Duo avec Ich werde sein, la version allemande de leur chanson I Can See, qui a été lancée vers la fin du mois et qui est accompagnée d'un joli vidéoclip en noir et blanc. Je recommande d'aller voir ça sur YouTube. Et on poursuit tout de suite en musique avec deux chansons en français cette fois-ci. On va débuter avec Dama Dama, qui est un nouveau quintet qui existe en fait depuis 2011. Et un quintet formé de gars de Montréal, mais majoritairement de gars de Rimouski. C'est ça, il y a 3 gars sur 5 qui viennent de Rimouski. Ils viennent de rendre disponible sur Bandcamp la version démo d'une toute première chanson aux inspirations de leur propre aveu indie rock et post-punk. Déjà, ça commence bien. Et on va se le dire, même s'il reste encore du travail à faire, ça sonne franchement bien, cette nouvelle chanson-là. Alors, sans plus tarder, on écoute la vedette de Dama Dama à l'émission Le Terminus. We'll be right back. Sur les ondes de CISM, c'était « Dépense », une nouvelle chanson d'Amantani qui est disponible, je crois, en exclusivité pour l'instant sur la compilation de l'émission « Barbare » de la chaîne TFO, la chaîne ontarienne. Et Amantani sont supposés, dans les prochaines semaines ou d'ici le printemps, il me semble, sortir ou donner suite aux deux chansons qu'ils avaient sorties l'été dernier sur Internet. Et avec cette chanson-là, « Dépense », ça augure vraiment très, très bien pour la suite des choses. Et si ça vous intéresse, ils seront le 6 mars prochain au Quai des Brumes à Montréal. Et juste avant, à Amantani, c'était Dama Dama avec La Vedette. On poursuit maintenant avec My Bloody Valentine qui sortait la fin de semaine dernière leur tout premier album en 20 ans. Donc, qui donne une suite à Loveless qui était sorti en 91, si je ne me trompe pas. Et il faut dire que le groupe avait laissé planer le suspense dans les derniers mois. Ils avaient annoncé leur retour. Donc, depuis 2007, ils sont de retour ensemble. Ils ont fait quelques spectacles. Ils avaient annoncé vers la fin de l'année dernière ce nouvel album-là. Et on a su, avec seulement quelques heures de préavis, que l'album sortirait finalement samedi dernier, directement ou seulement sur Internet. Pour l'instant, donc, pas de contrat de distribution avec un gros une étiquette. Il n'y a pas de date de tournée non plus annoncée pour l'Amérique du Nord. Donc, on peut encore se croiser les doigts pour espérer une présence de My Bloody Valentine à Montréal cette année. Donc, on va entendre de ce nouvel album-là qui s'appelle MBV, la chanson Only Tomorrow, qui sonne pas mal comme du bon My Bloody Valentine, comme on l'aime. Et on se retrouve tout de suite après pour le mot de la fin. Oh, Only Tomorrow de My Bloody Valentine, une chanson tirée de l'album MBV, qui viennent tout juste de faire paraître un album, en fait leur premier album en plus de 20 ans. Et il y a un petit lien quand même avec la prochaine chanson qu'on va entendre, en fait la dernière chanson pour ce soir, qui est le classique de la semaine, donc c'est la formation anglaise Ride. Leur album Nowhere est considéré par plusieurs comme le deuxième meilleur album shoegaze de tous les temps, après justement l'album Loveless de My Bloody Valentine. Et l'album de Ride est sorti en 1991. Ça sera la chanson Polar Bear que vous allez entendre. Quant à nous, en fait, je vous invite à rester à l'écoute. La MyFi de Zika Mendes suit dans quelques instants. Sinon, pour écouter l'émission, c'est toujours sur le CISM893.ca que ça sera disponible dans quelques minutes. Également, archive de l'émission sur le terminus.ca. Alors, c'est pas mal ça qui est ça. Je m'appelle Jean-François Lusignan. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée. On se reparle le vendredi prochain, 21h, pour l'émission Le Terminus. À bientôt. Promet des soirées des plus flamboyantes. Soyez de la fête dès le 21 février avec l'incontournable de la scène pop-rock française, M, pour deux soirées déjantées. L'héritier de Brel et de Brassens, Benabar. Aussi, la voix riche et profonde de Morand. Deux étoiles émergentes du hip-hop, Aurel San et Corias, et les acrobates de renommée internationale du Festival mondial du cirque de demain à la TOU. Billets sur montrealenlumière.com. Une présentation de RBC en association avec la presse et CISM. En 2012, la journée la plus froide était le 22 janvier. La quatrième édition du Beach Party du Tabasco Bar sera le 7 février. Nous avons enregistré plus de 120 cm de neige depuis le 12 janvier 2013. Plus de 100 kg de sable blanc sera versé sur la piste de danse du Tabasco Bar. Il est important de faire attention à la glace noire sur les routes. Il sera important de faire attention aux palmiers, aux petits maillots et à la Fiesta Corona. Traverser l'île de Montréal un matin de tempête prend en moyenne 1h50 minutes. Le Tabasco Bar vous offre la chance de gagner un voyage dans le sud pour le moment de votre choix, tout à fait gratuitement. Le Beach Party du Tabasco Bar le 7 février. Ça n'efface pas l'hiver, mais... TabascoBar.com. Du 17 janvier au 9 février, Igloo Fest t'invite à rallier tes troupes et à venir combattre le froid de l'hiver. Ce week-end, pars à la conquête avec Joe Goddard, Hot Chips, Ben UFO, Joy Orbison, Tommy Cruise et plusieurs autres. Nouveauté cette année, l'événement s'étend sur 4 week-ends. Igloo Fest au Vieux-Port, présenté par Sapporo en collaboration avec Solotech. Bonjour, ici Philippe B et vous écoutez CISM. Oui, oui, CISM. Je n'irai pas. Grosse boîte.